Le publicitaire paye le propriétaire du journal pour que ses lecteurs soient mis en contact avec les publicités présentées dans ses pages et de préférence passe à l'acte d'achat ultérieurement. Le propriétaire du journal doit ainsi faire au mieux pour satisfaire son client, le publicitaire, mais aussi le lecteur qui doit continuer à croire que le traitement de l'information ne subit aucune influence. Micro ouvert. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le fauné d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, c'est pas une espèce en voie de disparition. Et ce ne sont pas des cantonniers, je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Philosophie de vie. L'agroécologie promeut une agriculture plus humaine, plus respectueuse des hommes, des animaux et bien sûr de la nature. Mais, revers de son succès, elle risque d'être souillée par le profit et la cupidité. En effet, les guerriers de l'agriculture productiviste veulent en faire une mode et même un concept marketing. Au-dessus de nos champs, c'est ce qu'on devrait voir apparaître dans les prochains mois. L'engin volant peut en effet être d'une grande utilité pour l'agriculteur. Il y a des tests pour l'instant dans la région d'Andenne. À terme, l'objectif est d'améliorer le dosage des cultures avec à la clé des bénéfices économiques mais aussi environnementaux. Hugues Angot. Voici l'engin qui devrait apporter un fameux coup de pouce aux agriculteurs dans les années à venir. Un drone de 700 grammes à peine, mais équipé d'un matériel de pointe. Le drone est équipé d'un capteur multispectrel qui va permettre de mesurer dans quatre longueurs d'onde différentes, donc raison pour laquelle sont présentes quatre lentilles, la réflectance des cultures. Te voilà bien cultivé comme à l'agonie. Te voilà seul à douter devant tes amis. Tu n'as pas su retrouver l'annonce élégante qui garnirait ton CV de boulot navrant. Te voilà bien intégré, le pauvre ou le sombre. Te voilà bien résigné dans ton bel habit. Maintenant, on s'écoute la deuxième partie de Renaud Duterme, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La dette cachée de l'économie », où il développe, hein, entre autres, c'est quoi exactement la dette écologique. Il a écrit ce livre avec Éric de Rouest, mais ce n'est que Renaud Duterme. C'est déjà pas mal, hein, qu'on va entendre là maintenant. C'est organisé par les Amis de la Terre et autour de Renaud, il y a plus ou moins 14-15 personnes qui sont là. Et vous allez peut-être les entendre aussi réagir à ce que dit Renaud. C'est parti. En disant, voilà, si jamais une entreprise pollue quelque part, elle peut acheter des droits d'émission. C'est-à-dire, en gros, je simplifie, mais elle peut payer, planter une forêt dans un autre pays. Le problème, c'est un peu lié parce qu'on ne tient pas compte non plus des réalités locales. C'est-à-dire, en gros, on ne calcule uniquement que le carbone. Donc, par exemple, vous pouvez, une monoculture, par exemple. On implante une monoculture de palmiers à huile en Indonésie, c'est considéré comme des crédits carbone. Alors que donc on ne tient pas compte de l'impact sur le mode de vie des gens, sur le fait que c'est une forêt qu'on va de toute façon déboiser, etc., etc. Donc c'est un petit peu ça peut amener un peu à ce genre de dérive quoi. Vous connaissez peut-être aussi l'hypothèse Gaïa de Lovelock. Je sais pas si quelqu'un a déjà lu. Bon, en gros c'est dire que la Terre c'est un écosystème en entier et donc tout a une fonction et l'être humain vient perturber ça. Et en gros, Lovelock, dans certaines publications, va jusqu'à dire que c'est une théorie aussi très en vogue aux États-Unis qu'il y a trop de gens en fait. Et donc en gros, y a certains écologistes qui soutiennent clairement des programmes de réduction de la population à la chinoise quoi. Personnellement, moi je trouve ça intolérable. On peut en discuter aussi parce que je sais que c'est un grand débat qui est de plus en. Il y a aussi un colloque à Liège. J'ai vu ça aussi le 10 mars, je crois, sur un groupe qui s'appelle Démographie responsable en France et donc qui prône ça. En gros, peut-être pas des programmes à la chinoise, mais qui part du principe, en tout cas, que c'est l'être humain le problème. Or, moi, je pense que l'être humain n'est pas le problème. L'être humain est plus le mode de vie, donc la pauvreté, les rapports d'exploitation, le problème, quoi. Mais pour s'en convaincre, en gros, il y a 20% de la planète qui consomme 80% des richesses et qui est responsable de 80% du changement climatique. Donc, c'est pas... on pouvait éliminer les 80%, le problème restera le même. Donc, et l'ironie du sort, c'est que... ce sont les populations qui ont le moins d'impact sur le changement climatique, qui se reproduisent le plus, à savoir les pauvres. Donc ça, c'est pour des raisons démographiques, etc. Mais voilà, donc si le meilleur moyen, en fait, si on veut de s'attaquer à la démographie, c'est de ne pas en tenir compte et de privilégier plutôt un accès à une éducation, un accès à des soins de santé, à une bonne sécurité sociale, etc. Et la démographie va se stabiliser toute seule, comme ça fait dans nos pays. Mais par contre, si on se focalise là-dessus, alors on ne peut arriver qu'à des solutions autoritaires. Et donc voilà, donc cette idée de dette écologique, encore une fois, je pense qu'elle permet de tenir compte des deux aspects, à la fois l'environnement, mais l'être humain. Je vais essayer d'avancer juste pour quand même permettre un peu un débat. Deux choses encore. Très important, c'est ce que j'ai dit, c'est aussi insister sur cette notion de classe sociale à la fois au sein du Sud et du Nord. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça aussi, c'est aux États-Unis, on parlait des déchets. On remarque par exemple que si vous cherchez... un auteur français qui a un nom indien que je n'arrive jamais à retenir, Keshuyan, je crois, qui a écrit un livre contre un racisme environnemental, je pense que c'est ça, et qui dit, si vous cherchez toutes les décharges de produits toxiques, des décharges en tout genre aux États-Unis, vous regardez, ils sont près des quartiers noirs, quasiment systématiquement dans toutes les villes. Donc en gros, près des pauvres, on met un peu toutes les... Tout ce qui reste. Donc même cette notion-là, au sein du pays le plus riche au monde, entre guillemets, les États-Unis, on a aussi cette dimension nord-sud, si on y va. L'ouragan Katrina, ça permet de bien comprendre ça aussi. L'ouragan Katrina, on remarque que c'est principalement les quartiers pauvres qui ont été touchés, et puis après qu'on a viré et qu'on a... Donc ça aussi, donc même au sein des sociétés du Nord, on n'est pas tous responsables. Certains peuvent être considérés comme débiteurs du changement climatique. Et à l'inverse, vous avez des classes sociales dans les pays du Sud, je veux dire, vous avez des hommes d'affaires africains... qui ont des hôtels à Paris, qui passent leur vie dans des jets privés, donc qui ont une consommation, une responsabilité écologique bien plus importante que nous tous réunis ici. Donc, ça aussi, ne pas tomber dans le simplisme, le gentil Sud qui est exploité par le méchant Nord, je pense que c'est plus un système qui englobe les deux, et qui doit plus se comprendre en termes d'antagonisme de classe sociale plutôt qu'entre Nord-Sud. Même si je pense que l'analyse Nord-Sud est intéressante, mais on ne peut pas... Encore une fois, elle est nécessaire, mais insuffisante, quoi. On ne peut pas se contenter de ça, sinon on arrive aussi à des simplismes. Et là où j'arrive avec votre notion de culpabilité, en disant on est tous coupables, perso, moi je me sens pas coupable de l'exploitation du Sud, même si j'en profite, clairement, parce que il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'avoir une voiture, parce que je viens d'une zone rurale, j'ai pas le choix, enfin... On a toujours le choix, vous allez me dire, mais voilà, j'ai pas le choix de racheter un GSM quand le mien va plus, enfin donc... C'est des choses comme ça, quoi, d'accord? On a clairement un rôle à jouer, mais je pense qu'en culpabiliser les gens, ça ne suffit pas, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens se détournent de l'écologie, parce que les gens sont dépassés et en ont marre d'être culpabilisés. Donc, par contre, à l'inverse, je pense que dire ce que je viens de vous présenter maintenant, ça permet d'établir la responsabilité, et ça, c'est quand même quelque chose qui est à mon avis plus porteur au niveau conscientisation. Je termine sur un dernier point, et puis je vous laisse un peu, on pourra plus privilégier le débat, mais c'est, je pense que ce concept de dette écologique, il peut encore servir pour deux choses, c'est, ben, je viens de le dire, conscientiser certains mouvements écologistes ou certaines visions écologistes de l'importance du social, mais à l'inverse, elle doit viser aussi à conscientiser des acteurs du social de nécessité écologique, et je pense principalement aux syndicats. Et donc c'était intéressant aussi par rapport, ben, on peut prendre l'exemple, voilà, il y a beaucoup, moi j'ai eu un débat une fois, il y a quelques temps, sur, avec des syndicalistes d'ArcelorMittal, c'était au moment où ArcelorMittal a délocalisé une partie de sa production, et il y avait le syndicaliste qui était quelqu'un de bonne foi, et qui disait clairement, ben voilà, non, ce qu'il faut, c'est, il faut que l'Europe se réindustrialise, qu'on reconstruise plus de voitures, etc., etc., etc. Ben non, enfin, moi je pense que c'est pas la solution, mais il faut clairement tenir compte du fait que ces gens perdront leur boulot, Mais il faut en profiter pour réorienter la production. Il ne faut pas faire de la croissance à tout prix, comme c'est encore trop présent dans les syndicats belges, français, etc. Même si ça commence à évoluer, mais c'est encore voilà, la croissance. Non, il faut à un moment donné arriver à dépasser ça. Et donc ça permet aussi, cette idée de dette écologique, bah, de dire que voilà, tous les progrès qu'on peut faire ici, ça se fait aussi au détriment du Sud. Alors, comment, du coup, qu'est-ce que ça peut servir? Bah, essayer de trouver un peu des revendications communes qui satisfassent à la fois les revendications écologistes et les revendications sociales. Et il y en a plein. Et c'est ça, je trouve que ces deux luttes n'avancent pas assez ensemble. J'en prends quelques-unes. Bah, c'est toute la lutte, par exemple, contre la libéralisation. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde, pour lequel tout le monde a à perdre. Les associations écologistes, enfin, l'écologie, l'environnement, on le voit maintenant avec les TTIP. Vous avez certainement entendu parler des débats sur le traité transatlantique. Tout le monde a à y perdre. Les consommateurs, les défenseurs de l'environnement, enfin, tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose. Un autre exemple aussi, moi, une lutte qui me tient particulièrement à cœur, au-delà des débats croissance-décroissance, je pense que c'est des débats, moi, c'est surtout des termes sémantiques, je pense que ça veut rien dire, la croissance, ça veut rien dire, pas plus que la décroissance, qu'est-ce qu'on décroît, qu'est-ce qu'on croit, mais quelque chose qu'il faut décroître à tout prix, je pense, la première décroissance, c'est les inégalités. Je pense que les inégalités, j'espère l'avoir montré, mais... Si ça vous intéresse, je le montre plus dans le livre ou dans les articles qui sont gratuits sur le site. Enfin, plein d'autres auteurs aussi, mais pour moi, une des causes principales de l'exploitation, enfin, du problème climatique, c'est les inégalités. En fait, si on regarde, c'est un autre chercheur qui dit ça, je ne sais plus son nom ici. Il dit en gros, les dégradations écologiques, c'est les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Les 20% les plus riches, bah, par un niveau de vie d'opulence, et les 20% les plus pauvres, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, la première raison, c'est les inégalités. Et puis, vous connaissez peut-être aussi les travaux sur l'effet d'imitation de Veblen, en disant, bon, on veut toujours imiter la classe sociale la plus élevée, et donc c'est un peu une fuite en avant qui est le moteur de la consommation de masse, quoi. Donc, clairement, réduire toutes les politiques qui sont contre les inégalités, je pense que c'est quelque chose aussi qui est même à satisfaire les deux luttes. La dette aussi, la lutte contre la dette, c'est une des raisons pour laquelle nous, on s'est focalisé sur cette question de dette écologique. Ça doit être un argument pour annuler la dette du tiers-monde, purement et simplement. Il y en a plein d'autres, hein. Je peux vous en parler 2 heures aussi, si vous voulez. Et il y a vraiment aussi des conséquences sur l'environnement. Donc ça aussi, c'est ce que je reproche un peu, des fois, à pas mal d'organisations, des fois, qui... On avait eu des débats avec Greenpeace, c'est pourquoi ne pas mettre dans vos revendications l'annulation de la dette du tiers-monde. Pour moi, je pense que toutes les organisations qui se préoccupent des relations Nord-Sud doivent intégrer ça. Enfin, le mettre, parce que c'est quelque chose qui est simple, qui est automatique et qui vise... Il y a une phrase que j'aime bien, c'est quand on est au fond d'un trou, pour en sortir, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Et je trouvais ça pas mal. Donc c'est, je pense, c'est un peu une bonne petite conclusion, c'est-à-dire voilà, arrêter de creuser cette dette écologique en fait. Il faut la reconnaître et puis surtout arrêter de la creuser. Avant de penser à la rembourser, il faut déjà arrêter de creuser quoi. Puis une dernière revendication, moi que j'aime bien, c'est la réduction du temps de travail. On en parlait tout à l'heure avec Céline. Même si dans nos assos, on est souvent, on ne la respecte pas, mais c'est-à-dire voilà, réduction du temps de travail sans perte de salaire, parce que quand on parle de décroissance, bon, on pourra en reparler aussi, mais on en est dans des schémas de société qui ne sont plus du tout comme avant. Il n'y aura plus, on ne recréera jamais le nombre d'emplois qui sont en train d'être détruits en permanence par la mécanisation. Donc à un moment donné, bah, voilà, il faut penser aux gens. Et puis il y a plein de secteurs qui doivent être fermés pour moi. Je veux dire, des usines d'armement en Belgique, ça n'a pas de sens d'être. Donc je pense qu'on doit clairement revendiquer. Pareil, l'emploi n'est pas à tout prix des mines de charbon, etc. Et en Espagne, ça doit fermer. Et donc, mais on ne peut pas dire on ferme ça et on met des milliers de personnes au chômage. On ne peut pas faire ça. Enfin, certains écologistes le prônent. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Moi, je ne le pense pas. Je ne pense pas. Mais donc, il faut pouvoir recycler, redonner un sens à leur vie à ces gens-là, et ça, ça passera par une réduction du temps de travail. Je pense qu'on a moins besoin de travailler, on a, y a, la société est assez mécanisée, assez performante pour qu'on travaille beaucoup moins, quoi. Donc ça, c'est une revendication qui est pareille à même de satisfaire, je pense, tout le monde, et je crois aussi que beaucoup d'associations écologistes, de syndicats devraient mettre un peu ce type de revendication en avant, bien plus que d'autres, quoi. Voilà, un peu quelques pistes, toujours un peu bref, mais... Je pense que je vais m'arrêter ici. Enfin, si vous voulez, après, moi, je peux reparler encore. Si vous n'avez rien à dire, je peux y aller, hein, pas de problème. Mais j'espère que c'était quand même plus ou moins clair. Et puis, si vous avez des désaccords ou des remarques ou des questions, je vous écoute. Vous pourrez trouver dans les différentes luttes ici, diminuer la consommation. Ça s'y trouve peut-être entre les lignes. Faut consommer moins. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, en fait, c'est... comment ? C'est ça qui est difficile. Le problème, moi, je pense que c'est encore une fois... Ce que je reproche des fois à certaines revendications, c'est toujours de mettre l'aspect sur le consommateur. On a un rôle. Moi, je suis le premier à, voilà, je suis venu en train et prendre le train en Belgique, c'est un effort écologiste maintenant, hein, quand même, hein, franchement. j'ai toujours adoré le train, mais même moi, ils arrivent à me dégoûter. Donc, mais, enfin, c'est pour l'anecdote. Mais par contre, c'est ça que le problème aussi, c'est qu'on se pose toujours la question de la consommation, mais pas de la production. Moi, je viserais plutôt quand vous dites, diminuer la consommation, bah, je prendrais plutôt une mesure simple, c'est interdire la publicité dans l'espace public. Ça, ce serait, je pense que ce serait plus efficace que de dire aux gens consommez moins. Il y a plus de publicité, bah, Grenoble l'a fait, il y a un maire écologiste, d'écologie les Verts, là, toujours du mal avec les partis français, mais qui a dit, voilà, pas de publicité dans l'espace public. Et ça, je pense que c'est ce type de mesure qui est beaucoup plus efficace que de dire aux gens consommez moins. Il faut le dire, et je suis le premier, je vous dis, à le faire, et ça ne suit, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, je crois, c'est que les efforts individuels ne suffiront pas. Ils sont nécessaires, mais insuffisants. Et ça, je pense qu'il faut... C'est une hypocrisie que de dire aux gens... moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal... Enfin, c'est-à-dire que je critique beaucoup de gens, et c'est vrai. Enfin, mais c'est vrai que j'en vois un peu... des fois, j'ai déjà entendu Yann Arthus Bertrand ou des choses comme ça, et qui sont très gentils, mais qui disent, voilà, il faut éteindre sa lampe. Oui, il faut le faire. Je suis le premier à le faire. Puis, franchement, j'essaie vraiment de recycler, de prendre ma voiture, mais c'est pas ça qui va suffire. Ce qu'il faut aussi, c'est des luttes collectives. Je prends toujours un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais quand on prend l'esclavage aux États-Unis, il y a certainement des gens qui se sont dit, bah, moi, je prends pas d'esclaves, etc., etc. Ouais, très bien. Mais c'est pas eux qui ont aboli l'esclavage. Ce qui a aboli l'esclavage, c'est les luttes. Donc les luttes, et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est quelque chose qui manque, je pense, dans beaucoup de milieux, c'est de réenchanter un peu la lutte. C'est des luttes. Alors la lutte, c'est quoi? C'est des mobilisations collectives. C'est des initiatives locales qui se font de plus en plus. Hein. Nous, dans ma région, on a un projet de monnaie locale qui se développe très bien. C'est des initiatives en transition. C'est des manifestations. C'est des grèves. Moi, je pense vraiment. Moi, je suis peut-être pour ça un peu de la vieille école, mais je crois qu'une grève, on pense toujours que la grève, c'est quelque chose de dépassé. Moi, pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que l'obsession que les partis au pouvoir ont contre la grève, démontre que c'est un des moyens les plus efficaces, parce que c'est le seul moyen qui permet de toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de réenchanter un peu tout ça. Et voilà, les comportements individuels, oui, mais ça ne suffit pas. Mais encore une fois, ici, je suis pas là du tout parce que je sais que c'est difficile, et moi aussi, je passe un peu par toutes les phases où c'est quand même assez déprimant des fois de voir un peu le monde, mais je pense qu'il faut ne jamais occulter un peu cette dimension collective, et c'est beaucoup plus efficace que de culpabiliser et dire aux gens consommez moins. Les gens le savent, ça. Mais pareil, quand vous avez pas d'argent, bah, vous achetez ce qui est pas cher. Enfin, je m'excuse, mais c'est pas, et tout le monde n'a pas aussi, il y a une question d'éducation aussi, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais il y a beaucoup de gens, moi je le vois un peu dans mes élèves, enfin, je veux dire, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de milieux difficiles, et ils sont pas éduqués à l'écologie, donc eux, ils consomment, et on peut pas en vouloir à ces gens-là non plus, je veux dire, c'est, vous pouvez dire à certaines personnes dans les milieux populaires, ou même dans les milieux riches, dire consommez moins, si c'est pour leur dire, et que ça, si eux n'en sont pas convaincus, ça ne marchera pas. Alors on peut, et c'est aussi certains sont partisans d'une solution autoritaire en disant un espèce d'écofascisme. Moi, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais ça pourra arriver. Mais par contre, je pense que du coup, c'est mieux de sensibiliser, de responsabiliser les gens en disant, voilà, bah, savoir que ce que tu achètes, ces produits-là, mais c'est compliqué, mais... Enfin, voilà. Je pense que l'information est importante et je souhaite que notre interlocuteur ait beaucoup d'élèves, parce qu'à mon avis, ils doivent être fameusement sensibilisés. Là. Ce que malheureusement, la majorité de la population n'est pas au courant des conséquences de notre façon de vivre, quelque part, de nos actes de tous les jours. Il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et je dis toujours, au niveau des médias, ben c'est zéro, quelque part. on abêtit le peuple plutôt que d'essayer de le faire évoluer. Donc, je crois qu'on vit dans un système économique qui n'a pas intérêt à ce que les gens deviennent intelligents. C'est vrai qu'on a critiqué le système communiste. Moi, j'ai lu il y a 35 ans un bouquin. C'était le président des États-Unis, Kennedy, qui a fait faire une étude ce qu'il arriverait si on vivait dans un monde basé sur des principes de paix plutôt que des principes de guerre. Eh bien, la solution, c'est que c'est pas possible parce que la guerre joue quatre rôles importants pour le système capitaliste. Et vous parliez tantôt de réduire le niveau de la population. Eh bien, ça en est un. Le premier, c'est jouer un palier d'inertie. En cas de décrue économique, on détruit pour avoir le plaisir de reconstruire. Et le deuxième, c'est, ils appellent ça le rôle écologique, c'est supprimer un certain nombre d'individus. On ne le fait plus chez nous, mais je pense qu'on le fait ailleurs. Vous avez dit supprimer un certain nombre d'individus, c'est ça? Tout à fait, oui. Ils appellent ça le rôle écologique. Le troisième, c'est canaliser un petit peu les individus un peu trop turbulents. Et le quatrième, je sais plus comment c'est. Le bouquin existe en cours. Je l'ai retrouvé, mais malheureusement, il n'est plus dans son édition initiale. Parce qu'avant, c'était un bouquin qui n'était pas plus épais que mon petit doigt. Maintenant, il est presque doublé. Donc, il y a tout un tas d'explications autour qui me gênent un peu, quoi. Mais c'est une étude qui a été faite, donc... je pense que si même nos policiers ne sont pas au courant de ça. C'est quoi le titre du livre? La paix indésirable. Juste poser la question de savoir si dans les mouvements collectifs, le boycott de toute une série de choses, c'est une arme qui est possible, ça. Par exemple, de boycott de bois non certifié, c'est ça, ou de certains types de production alimentaire, oui, tout à fait. Oui. Si, bah je ne sais. Oui, non, je pense à une question à laquelle je n'ai pas vraiment réfléchi. Enfin, je veux dire, oui, je n'ai pas vraiment réfléchi longuement, mais clairement, le boycott de bois non certifié, le boycott de. Bah, le commerce équitable, ça revient un peu. Je pense que c'est aussi des solutions, clairement, oui. Non, c'est peut-être pas aussi une fin en soi, parce que ça aussi, je reviens un peu. Comme ça, je refais un peu des bons avec le débat qu'il y a eu tout à l'heure. Mais le commerce équitable. Je pense aussi que c'est nécessaire. Moi, je veux dire, tous les produits tropicaux que j'achète, j'essaye que des bananes ou du thé ou quoi, c'est toujours du premier c'est équitable. Mais je pense pareil que ça ne suffit pas parce qu'on peut avoir, on peut déposséder des gens de leur terre, les forcer à faire de la monoculture et les payer décemment. Je suis pas sûr que ce soit un but en soi, quoi. Donc, c'est du commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil, c'est, enfin, je pense aussi toujours l'esprit de lutte et de lutte transversale au nord et au sud, quoi. Donc, soutenir un petit peu toutes les luttes qui se font, déjà dans le sud, pour se réapproprier les ressources. Mais par rapport à ce que vous disiez aussi, oui, le problème aussi, quand on culpabilise les gens, c'est qu'on a un peu, c'est aussi quelque chose qui est très, et même moi je l'utilise, c'est ce concept de moyenne en disant chaque citoyen se vaut, quoi. C'est-à-dire, en gros, j'ai dit tout à l'heure, mais moi, je dis un Chinois moyen, mais en fait, ça veut rien dire, ça, un Chinois moyen, je veux dire, la Chine est en train de se développer avec des inégalités extrêmes, ou pareil, vous avez 5% de la population, qui peut-être 10 qui arrivent à une certaine classe moyenne. Bon, 10% de la population chinoise, ça fait 140 millions de personnes, mais c'est quand même une minorité. La majorité des Chinois vivent dans une situation... Donc, pareil aux États-Unis, on peut, même chez nous, on ne peut pas dire un Belge moyen, ben voilà, il y en a qui ne partent pas en vacances, il y en a qui n'ont pas de voiture, et donc on ne peut pas commencer à tenir compte de ça. Mais donc c'est sortir un petit peu de cette généralité, et voilà, toujours de mettre les rapports d'exploitation... au centre, quoi. J'ai retrouvé l'exemple tout à l'heure sur la démographie. Je sais pas si vous connaissez Jared Diamond, qui a écrit un livre, Effondrement. Je sais pas si ça vous dit, c'est vraiment c'est sur l'effondrement des civilisations. Et en gros, sa thèse, c'est que, toute une série de civilisations se sont effondrées, et donc nous, on va vers l'effondrement, quoi. Et le problème, enfin, lui, il dit clairement, il le dit cash, il habite Los Angeles, et donc il analyse tous les problèmes que cause Los Angeles, et il dit, un des problèmes de Los Angeles, c'est qu'il y a trop de migrants. Parce que les migrants arrivent, et donc il y a une trop forte population par rapport aux ressources de Los Angeles, ce qui est vrai, mais par contre, c'est son point, quoi. Donc le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a des migrations? Donc parce qu'il y a les politiques néolibérales que les États-Unis imposent au Mexique avec les accords de libre-échange, etc. Donc pareil, c'est encore une fois, l'idée d'être écologique, c'est vraiment arriver au cœur du problème. Et tant qu'on n'analyse pas le cœur du problème, j'ai pas de solution non plus à donner. Mais c'est juste, à partir du moment où on n'a pas un bon diagnostic, on peut prendre des solutions qui ne marchent pas, quoi. Et donc, je pense que voilà, c'est miser sur la sensibilisation à ça. C'est long. Mais moi, je vais devoir y aller, mais je suis enseignant aussi. Et donc, j'ai enseigné l'histoire et j'enseigne la science éco. Et en fait, quand j'ai enseigné les politiques d'ajustement structurel et les effets que ça avait sur les populations, c'est amusant parce que je voulais te poser la question pour voir toi comment t'as répondu à cette question-là, mais les élèves me disent « Mais monsieur, c'est tellement évident, en fait, les dégradations et les inégalités sociales, etc., les coupes dans les soins de santé, les hôpitaux, on le sait, pourquoi est-ce qu'on fait rien ?» Moi, je voulais savoir ce que tu as répondu, enfin, ce que tu réponds à cette question, parce que, ben, c'est-à-dire que c'est la question d'élèves, quoi. Enfin, tu peux imaginer pourquoi est-ce qu'on sait que les inégalités sont si fortes, on sait c'est dû à quoi, et pourquoi est-ce qu'on ne fait rien, pourquoi ces politiques d'ajustement structurel continuent à exister, etc. Moi, je voulais savoir ta... En fait, enfin, moi, je vous donne mon point de vue, déjà, politique. Bon, je ne suis pas communiste personnellement, par contre, je suis anti-libéral, entre guillemets, enfin, le libéralisme économique, quoi. Je pense que ça m'a... Enfin, voilà, donc, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Et donc, du coup, je pense que bah, les libéraux, puisque c'est les politiques libérales, à mon sens, qui sont la cause de tout ce que je viens de vous dire, il y a deux sortes de libéraux. Il y a les sincères et les pas sincères. Et je pense qu'il y a les sincères, il y a des gens qui se croient vraiment que... Bah, qui ont baigné dans cette théorie-là tout le temps, et qui croient que... Beaucoup de gens, quand vous écoutez un peu les débats politiques là-dessus, beaucoup de gens disent « Oui, mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore été assez loin. » Donc, parce que... les communistes disaient ça aussi, les pro-Staline disaient, mais on n'est pas au total communisme en Russie, c'est pour ça que ça ne marche pas. Oui, bah, on va arriver. Enfin, donc, vous voyez un peu le raisonnement, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Donc, ça, c'est les sincères qui sont de moins en moins, je pense, parce qu'ils voient que leur théorie, enfin, beaucoup vire de gauche. Il y a Daniel Cohen aussi, un économiste, qui vient d'écrire un livre sur la décroissance. Alors, je sais pas, enfin, comme quoi, c'est, voilà, le monde est fini. Je crois que c'est son titre, qui est invité partout, alors qu'il y a des économistes qui disent ça depuis 40 ans, mais lui, donc, il y en a quelques-uns qui se rendent compte que leurs théories ne tiennent plus. Par contre, il y en a d'autres, et c'est très important, je pense que c'est quelque chose qui justifie la poursuite des inégalités. C'est pour ça que ce système-là, enfin, cette théorie est très en vogue. Je pense que la plupart des économistes, ici c'est peut-être moins, mais encore, non, pas sûr. Quand vous regardez en France, Emmanuel Macron qui vient de la Banque Rothschild, qui est ministre des Finances, enfin, c'est ça. Aux États-Unis, c'est que ça. Je veux dire, j'ai parlé tout à l'heure de... Larry Summers, qui a été à la Banque mondiale, donc c'est un conseiller d'Obama maintenant. Et Larry Summers, quand je parlais des déchets, lui, il a dit en gros que les régions d'Afrique étaient sous-polluées. Donc c'est sous-pollué. Donc selon la logique libérale, c'était logique de leur ramener toutes nos merdes parce que comme ça, ça équilibrait un peu, quoi. Il a dit ça tel quel, quoi. Et ce gars-là, maintenant, donc, il a été président d'Harvard aussi. Enfin, donc je pense qu'il y a aussi des connivences, clairement. Donc il y a alors les médias aussi. Alors les médias, ça c'est intéressant, la question des médias, parce que je pense pas non plus, moi. Bon, c'est clair que les médias sont propriété des grands groupes, hein, ça on le sait bien. Maintenant, je pense aussi qu'il y a dans les médias des gens qui passent mieux que d'autres. Et qu'on invite aussi par des raisons de simplisme, parce que je pense que les médias, comme dans beaucoup de choses, l'information, ça va très vite, donc on doit prendre des gens qui passent bien, qui parlent bien. Et donc voilà, il y a des gens qu'on invite souvent et qui perpétuent un peu ce système qui fait que beaucoup de gens ne savent pas, simplement. Donc voilà, c'est un peu des... Je pense que c'est tout ça qui fait que le système se maintient. Puis il y a aussi clairement une désensibilisation des gens. Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas, beaucoup de gens pensent que l'économie c'est compliqué, beaucoup de gens pensent que la dette c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, beaucoup de gens... Donc tout est fait un peu pour embrouiller ça. Je pense que si... Attends. Les gens ne savent pas, ils ne font pas toujours le lien non plus entre la réalité sociale et puis ce qu'on leur a imposé. Et qu'en réalité, on se dit, bon, ben, s'ils sont dans l'état dans lequel ils sont, ben, c'est peut-être parce qu'ils le méritent eux-mêmes, quoi, d'une certaine façon, et qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment. Ou alors, on remet ça aussi sur la gouvernance de ces pays africains, par exemple, etc. Pareil, je vais prêcher un peu pour ma chapelle, mais moi, je pense vraiment, c'est la grille de lecture que j'utilise de plus en plus, c'est si on analysait les choses autrement, c'est-à-dire sous forme, j'ai déjà dit ce terme, mais sous forme de grand, enfin, sous l'angle de classe sociale, beaucoup de choses sont beaucoup plus compréhensibles. Quand on parle, voilà, si on parle justement structurel, on parle des effets, mais on dit pas à qui ça en profite. Et si une fois qu'on dit ça, ben, ça permet peut-être de comprendre plus de choses. Pareil, quand on parle de l'exploitation d'une mine, quand on parle de la dette aussi, ben voilà, à qui on dit oui, mais c'est beaucoup d'élèves quand je leur explique le système de la dette en disant bon, on emprunte pour rembourser d'anciennes dettes, ils me disent mais c'est absurde. Ben mais je dis c'est pas absurde. Je dis pour celui qui prête, est-ce que c'est absurde? Ah ben oui, non. Enfin voilà. Et qu'une fois qu'on parle un peu de ça, quand on les conflits, par exemple, c'est aussi intéressant quand on parle des interventions européennes qui déstabilisent, enfin les pays, etc. Ben, pourquoi est-ce qu'on intervient en Libye et pas en Syrie? Pourquoi est-ce qu'on intervient au Mali? Ah ben il y a de l'uranium à côté du Mali. Ben voilà. Enfin je sais. On pense ce qu'on veut, mais et une fois qu'on tient un peu compte de tout ça, ben, je pense qu'on arrive à une autre grille de lecture qui est un peu plus facile à comprendre, quoi. Donc mais c'est une question qui est pas évidente, hein. Enfin, je veux dire, parce que je suis pas non plus à dire, il y a tous des méchants d'un côté, tout est beaucoup plus complexe. C'est ça qui est intéressant aussi dans le débat que Céline nous avait fait tout à l'heure, c'est qu'on remarque, en fait, il y a personne de vraiment méchant, moi, je trouve, dans tout ce que vous avez dit, à part même les dirigeants des multinationales, il faut voir, enfin, je sais pas, les méchants actionnaires. Oui, il y a certains, il y a des gens cupides, etc. Maintenant, Enfin, perso, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille chez Clearstream, qui est, enfin, je sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment le truc de, enfin, c'est tout le blanchiment d'argent passe par là, quoi. C'est vraiment le, mais bon, c'est quelqu'un humainement qui est très bien, et voilà, et qui, j'ai plein de débats sur lui. Bon, il a fait Solvay, il a fait, enfin, vous voyez, et c'est dit, c'est compliqué de dire, donc, les gars à l'ONU, bah, souvent, la plupart, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques sont honnêtes, mais voilà, on a pas le temps, donc on a des lobbies, ouais, quand même des gens vraiment méchants, hein. Je pense les gens qui travaillent pour les lobbies de Marlboro ou des choses comme ça, bon, on va pas leur, mais enfin non, mais vous voyez un peu où je veux en venir, quoi. Donc c'est ça, que le monde est complexe maintenant. Autant c'était facile à la révolution industrielle, c'était facile, c'était les méchants patrons, les gentils ouvriers qui étaient exploités, et puis voilà, point. Maintenant les choses sont plus nuancées que ça, quoi. Donc mais c'est pour ça que revenir, il y a un concept que j'aime bien, moi, c'est le Occupy Wall Street qui avait amené le concept des 1% contre les 99 autres. Et ça, je pense que ça se généralise beaucoup. Dans quasiment tous les pays, vous avez, bah, 1% de la population qui s'accapare les richesses des 99 autres. Alors, comment faire? C'est pas leur couper la tête, mais c'est juste que toutes les politiques visent à rétablir, enfin, à diminuer ce déséquilibre. Donc l'imposition, moi je pense que l'impôt, c'est une éducation à l'impôt aussi, dire aux gens. Un truc qui est très, une mesure qui pourrait être très importante aussi, c'est des impôts beaucoup plus progressifs et aussi par rapport à la consommation aussi. Par exemple, ça c'est dommage que le monsieur n'est pas là. Par exemple, que tout le monde ait une certaine, comment dire, comment expliquer ça. Par exemple pour les déchets, bah vous avez par exemple une certaine quantité de poubelles gratuites. Et par contre, dès que vous dépassez ça, c'est très cher. L'eau, par exemple, vous avez une certaine quantité d'eau par personne dans une famille gratuite, ou alors très peu cher. Par contre, dès que vous dépassez, très cher. Du coup, ça, parce que pareil, on peut pas taxer des... On parlait beaucoup de l'écotaxe en France. Je trouve que c'est injuste, l'écotaxe, parce qu'on taxe la même chose, les riches ou les pauvres. Et ce qu'il faut taxer, c'est l'usage opulent. C'est... On peut pas taxer l'eau pour boire et l'eau pour remplir une piscine de la même façon. Et donc, une manière de faire ça, c'est... Au revoir, merci. Bah, merci à vous. C'est de faire, voilà, de cette histoire de proportionnalité dans tous les domaines. Les déchets, l'eau, enfin, une série de choses comme ça. La route, on pourrait imaginer un peu des... Comment, voilà, tu as dit? Les routes, l'usage des routes, par exemple, les, je sais pas, moi, les sang, enfin, le pétrole, selon... voilà, où vous habitez, bah, autant de kilomètres gratuits, enfin, ou en tout cas moins cher, je sais pas, et des choses comme ça, quoi. Mais voilà, c'est tout. Les mesures, elles existent. Par contre, un truc, juste, et puis je termine ça, mais, ouais, il faut m'arrêter parce que sinon, un truc qui est très important, je pense, c'est que beaucoup de gens attendent, ils veulent un modèle clé en main. On veut, ouais, beaucoup de conférences, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et je sais que c'est chiant, mais moi, franchement, je vous dis, c'est une des premières conférences que je redonne parce que j'ai eu quelques mois très creux où je croyais plus en grand chose, en rien, donc j'essaye de me rebooster. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, je pense que c'est les mobilisations qui créent les alternatives et pas l'inverse. C'est le fait que les gens se mobilisent qui décident. Vous avez vu le film Demain? Je sais pas si vous avez... Je vous le conseille, franchement. J'avoue que j'étais très... j'avais pas envie d'y aller, quoi. Je me dis... Ah, il faut ouvrir la porte. J'avais pas envie d'y aller. Enfin, je me dis... J'avais peur. Je me dis, oh, ça va être un truc pareil, culpabilisateur et tout. Et j'ai trouvé ce film-là très, très bien. Parce que vraiment, il dit juste, voilà, c'est des gens qui savaient pas quoi faire. Ben, ils ont fait un truc, ça marche. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui... Vraiment dire... Ne pas arriver, ne pas essayer de reproduire tout ce qui est fait, enfin, s'inspirer, mais, et ça, je pense que c'est important. Il faut vraiment que les gens comprennent. Ce que je disais, réenchanter la lutte, je pense que la lutte au sens large, c'est pas la lutte, aller dans la rue et lancer des trucs. Ça peut se faire aussi, hein, mais c'est, la lutte au sens large, c'est-à-dire, voilà, essayer de changer, quoi. Enfin, Quand vous parliez tout à l'heure des impôts, vous parlez des faits. OK, on doit faire attention, tout le monde doit faire attention. Mais seulement, moi, ce qui me, heurte, c'est dans les multinationales, toutes ces personnes qui se font payer très cher, les politiques qui se sont... Et tout ça, c'est grâce à nos impôts. Donc, cette disproportion à côté de l'effort que tout le monde doit faire d'une façon civique, OK, mais toute cette spoliation de nos contributions, de l'impôt, au profit... d'hommes politiques et de gestionnaires est inadmissible. C'est le dernier chapitre du livre. Il y a un point qui est très important dans tout ce qu'on a dit, c'est la nécessité de démocratie élargie. C'est-à-dire démocratie politique, mais démocratie économique surtout. C'est-à-dire en gros, ben voilà, que nous, on ait un mot à dire sur le budget de l'État, beaucoup plus que maintenant. Nous, on parle beaucoup de ça par rapport à la dette, par exemple. Comme quoi, enfin, c'est un autre débat, mais dire cette dette-là, on n'a peut-être pas à la rembourser. Et c'est que c'est donc du coup, c'est l'usage de nos impôts. Voilà, est-ce que c'est normal que j'entendais encore tout à l'heure en venant à la radio les subventions aux énergies fossiles dans le monde, c'est 500 milliards, je crois. après la COP, quoi. Donc, même en Belgique, on parle un peu, les voitures de société, c'est des subventions aux énergies fossiles, en fait. On parlait tout à l'heure avec, c'était avec Benoît, je pense, ou avec Céline, je sais plus, sur le train. Le train est désinvesti partout. Il me disait, en Suède, on supprime les trains de nuit partout, parce qu'on n'a pas d'argent, mais à côté de ça, on subventionne d'autres choses. Donc, c'est clairement, et ça, je pense que si on vraiment, on interviewait les gens, il y avait une vraie démocratie. Ça pense que beaucoup de gens veulent des transports en commun de qualité. Le train, je pense que beaucoup de gens veulent des trains. Si les trains arrivent à l'heure, beaucoup de gens prendraient plus le train. Donc, clairement, oui, non, l'usage de nos impôts, ça doit tenir compte de ça. Mais encore une fois, cette démocratie, on l'a aussi en luttant, en essayant de se mobiliser, notamment par tout ce qui existe, par des référendums, par des grèves. Bon, moi, je crois que, enfin, voilà, c'est le genre de choses. Pour des points positifs, hein, je veux dire, En Grèce, il y a quand même eu pas mal, avec tout ce qui s'est passé, il y a vraiment eu des mobilisations très très importantes, ou dans les pays arabes aussi, on peut voir aussi, c'est des gens qui au départ, la situation était figée, bon ça a débouché sur ce qu'on sait aussi dans certains domaines, mais ça peut vite venir aussi, et je pense que notre société, c'est la merde, hein, comme vous le savez, c'est vraiment un croisement entre les crises écologiques et sociales, mais c'est un potentiel très fort de convergence des luttes en fait, parce que encore une fois, il y a 99% des gens qui ont intérêt aux mêmes choses. Mais c'est ça qu'il faut faire prendre conscience, quoi. C'est dire, le TTIP, 99% des gens ont intérêt à ce qui passe pas, quoi. Enfin, on peut en parler, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup, parce que même les PME n'y ont pas intérêt. Et d'ailleurs, elles sont contre. Et donc, c'est, voilà, accentué. Et ça, justement, c'est un point pour aussi mettre des notes positives. Le TTIP, si vous regardez, au départ, ils allaient passer ça en chemette sans rien dire. Et qu'est-ce qui fait que maintenant on en parle et que c'est, on ne sait pas du tout, mais en tout cas, ça, si jamais on n'avait rien fait, il serait déjà passé. C'était prévu qu'il passe, je crois, cette année. Maintenant, il va peut-être passer, mais en tout cas, on en est encore loin. Et pourquoi? Parce que c'est uniquement des mobilisations citoyennes qui ont fait ça, des gens qui se sont appropriés la question, qui ont diffusé, qui ont balancé l'info. Et maintenant, beaucoup de gens, même des gens qui ne sont pas spécialement intéressés à ça, ont déjà entendu parler de ça, quoi. Donc, il faut essayer de... Encore une fois, avant, si quelqu'un, des gens sont un peu déprimés, c'est toujours dire, essayez, comme j'ai dit, arrêtez de creuser, quoi, donc tout faire pour tirer le frein d'urgence avant de faire demi-tour. Déjà ça, je pense que c'est déjà important, quoi. Sur Internet, je crois que c'était un professeur qui le disait, même au niveau universitaire, les gens sont conditionnés tous de la même façon, quelque part. Ce qui fait qu'on ne risque pas d'aller vers un certain changement, quoi. C'est ça qu'on dit, les gens qui sont relatés des entreprises, ils ont tellement été conditionnés dans ce sens-là qu'ils ne pensent même pas qu'il y a autre chose, quoi. Je voudrais bien... Rajouter, je travaille pour une grosse enseigne multinationale, tout ce qu'on ne défend pas ici. Je me rends vraiment compte, c'est que on nous évite de penser dès que je ne fais soi-disant rien. On me dit, allez, va travailler, fais quelque chose, mais sauf que j'ai besoin de rien faire, de prendre du recul, et pour pouvoir analyser les choses, analyser la situation. Et, je me suis aperçue de ça la semaine passée et j'étais vraiment dégoûtée du système et je me rends compte que c'est partout et donc mes collègues qui sont des personnes qui n'ont pas spécialement eu la chance, l'opportunité de faire des études, etc., eux ne s'en rendent pas compte et continuent comme ça et finalement c'est des gens, c'est la moyenne comme tu as dit tout à l'heure, c'est... Mais voulez-vous poser la question de savoir, je reviens un petit peu dans cette relation Nord-Sud, la solution, ce serait quoi alors? De désinvestir complètement le Sud pour leur laisser reprendre leur autonomie? Et qu'est-ce qui adviendrait? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui adviendrait si ça se faisait? Votre vision des choses, c'est quoi vous par rapport au... Alors moi, bon, si je ne refais... Ce que je vais dire là, ça reflète peut-être pas ce que tout le monde pense au sein des TM, mais moi, en gros, ce que je suis sûr qu'on pense tous, c'est déjà avant d'essayer de leur donner quelque chose, c'est arrêter de leur prendre. Donc déjà, annuler la dette, première chose, ça c'est clair, inconditionnel. Deuxièmement, des réparations. Rétrocéder ce qu'on appelle les biens mal acquis. Toutes les fortunes dont j'ai parlé, etc. Donc restera. Alors, on va le faire intelligemment aussi. Il ne suffit pas de redonner les fortunes de Mobutu à Kabila au Congo. Et puis non, on est bien d'accord. Mais essayer, ça permettrait de financer une aide au développement. Alors, on n'aime pas trop le mot aide au développement, mais plus des réparations, avec des contrats, faire venir des étudiants ici, ou alors avec des projets locaux, etc. Comme certaines ONG le font bien. Le CNCD 1111 fait ça bien, par exemple. D'accord. Donc c'est pas eux, ils viennent pas en disant comme certaines ONG, on va construire un puits. Non, c'est... Donc ça, je pense qu'il faut pas. Moi, je suis pas pour revenir non plus dans d'un truc chacun chez soi. Non, non, je pense qu'on est un monde mondialisé, que c'est une bonne chose, maintenant. C'est pas... On dit souvent les anti-mondialistes, ça n'a pas de sens. Anti-mondialiste, c'est comme si vous étiez contre Internet, je pense que c'est un truc, c'est une réalité, maintenant la mondialisation, point. Mais le faire autrement, donc vraiment arriver à des solutions plus équitables, quoi. Et nous, en fait, au CADTM, c'est ça, moi, que j'aime bien avec, je pense que les Amis de la Terre, ça va être plus ou moins la même chose, c'est qu'on a un réseau. Et donc, un réseau horizontal. Donc, le secrétariat est à Liège, mais c'est tout. Le CADTM Togo, ils font leur truc. C'est juste une charte, et puis après, ils ont leurs initiatives, et nous, on les soutient simplement. Mais c'est tout, on ne va pas leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, du coup, on soutenir beaucoup plus les initiatives locales, quoi. Les coopératives, par exemple. On parlait tout à l'heure, c'est bien, on fait aussi le lien avec tout le débat du début. Toutes des coopératives locales, à soutenir des initiatives de microcrédit intelligentes. Donc, pas le microcrédit des grandes banques, mais il y a des initiatives au Maroc, nous, on soutient, qui font partie du CADTM. D'ailleurs, c'est des associations de microcrédit de femmes qui se mettent ensemble, qui mutualisent leurs économies et qui prêtent à certaines. Donc, ça, c'est des initiatives positives. Donc, désinvestir, je pense pas, mais investir autrement et surtout envisager vraiment des réparations. Parce que ça, je l'ai pas mentionné, mais la dette écologique, c'est bien de la reconnaître, mais il faut clairement envisager un dédommagement. Je pense. Alors, le dédommagement, c'est pas donner de l'argent, encore une fois, et dire, voilà, on paye pour ce qu'on a cassé, et puis non, mais c'est des transferts de brevets, par exemple, de technologie. Donc, on sait que les pays ne peuvent pas se développer comme on l'a fait avec basé sur le pétrole. Donc, pourquoi ne pas favoriser des coopérations universitaires, etc. Donc, toutes des choses comme ça, je pense que c'est plus vers ça que j'irai, quoi. En fait, ils sont pas compétents, on entend souvent ce genre, ils n'ont pas les capacités intellectuelles, humaines, je sais pas trop de prendre en charge. Vous répondez quoi, vous, à ça? Il y a plusieurs choses. Moi, je dirais déjà des arguments historiques. Je vais prendre un seul exemple. Toute l'Inde, quand elle a été colonisée par les Anglais, ils avaient une industrie, enfin, un embryon, une proto-industrie du textile très importante que les Anglais ont copié et ont détruit par la suite, parce que ça les concurrençait. Et donc, après, on forçait ces pays-là à se mettre sur l'exportation du coton. Ça s'est fait partout. On a désindustrialisé volontairement ce qui existait déjà. Donc, je pense... Si on prend la Chine, il y avait une supériorité. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, et ça, il y a plein d'historiens, même pas spécialement marxistes, comme ça, si vous avez peur d'être soupçonné du côté obscur, il y a la plupart des grands économistes, de ce qu'on appelle l'histoire globale, c'est-à-dire ceux qui envisagent l'histoire de manière connectée, pas seulement une région, tout le monde s'accorde à dire qu'avant 1492, plus ou moins, en 1492, même jusqu'au 17e, 18e siècle, l'Europe n'avait pas une supériorité sur les autres régions du monde. La Chine, l'Empire Inca, certains royaumes africains, c'est toujours compliqué de comparer le développement, mais en tout cas, il n'avait pas une supériorité. Ce qui a vraiment accent, on voit en fait quand on compare le PIB, plus ou moins ça, c'est à partir de la révolution industrielle où l'Europe a vraiment explosé. Et l'industrialisation, elle n'a pu se faire que en ponctionnant le Sud. Que ça. Parce que le Sud, qui avait les matières premières à sa disposition, n'a pas suivi le même mouvement alors. Simplement parce qu'il s'est fait, on l'a empêché. Si on regarde le seul pays non occidental qui a pu s'industrialiser, c'est le Japon. En partie parce qu'il n'a pas été colonisé. Il n'a pas été endetté. En partie, ça explique pas tout, mais c'est une des raisons. Tous les autres pays, l'Égypte avait aussi dans le 19e siècle, le Brésil, c'est le Paraguay, c'est des pays qui se sont industrialisés et on a brisé l'industrialisation avec plusieurs armes, le libre-échange, la dette déjà aussi. Donc l'Empire Ottoman, par exemple, le Paraguay, etc. C'est des pays qui ont été endettés au 19e siècle déjà. Et après, on leur a imposé des accords de libre-échange en échange de ça. Donc c'est tout ça fait que... Et encore maintenant, donc on les empêche quand un pays est... C'est ça aussi que je dis, arrêtez de le reprendre et puis après, ils feront ce qu'ils veulent. Là, ils ne peuvent pas s'industrialiser. Un pays comme Haïti, je disais, ne peut pas s'industrialiser puisqu'on a coupé toute son autosuffisance. En fait, les plans d'ajustement structurel et la colonisation, ils ont coupé toute autosuffisance à tous ces pays-là. Et on les a rendus dépendants au marché mondial. Donc c'est essayer de réduire cette dépendance en pouvant instaurer... Si on regarde la Corée du Sud, c'est aussi intéressant. Donc dans les politiques du FMI, vous me posiez la question tout à l'heure, quelque chose qui revient souvent, c'est on supprime toutes les barrières douanières. Or, tous les pays riches se sont industrialisés en protégeant leur marché. La Corée du Sud, je sais qu'ils taxent, je crois que c'est tous les produits étrangers, à du 100-150%. Comme ça, et la Corée du Sud, maintenant, a rejoint le club des pays riches. Par contre, tous les autres pays pauvres, on leur empêche de faire ça. Donc forcément, c'est David contre Goliath. Donc ça, c'est le genre de mesure aussi qui pourrait être prise. Donc vraiment, voilà, je pense encore une fois, avant de dire qu'est-ce qu'on doit investir, c'est d'abord essayer de casser un peu tous ces mécanismes d'exploitation, quoi. La dette en premier lieu, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. et vraiment, voilà, et leur permettre. Alors, le problème aussi, je dis, hein, je suis un boulin parole, hein, si vous dites, écoute, je sais pas, je dis juste encore un truc, puis après, je vais voir un peu si, bon, si je l'ai pas, c'est... mais le problème aussi, c'est que il y a beaucoup de pays. Alors, je ne sais pas exactement comment expliquer ça. On parle de néo-extractivisme. Alors, l'exemple flagrant, c'est l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela. C'est des pays qui, pourtant l'Équateur, c'est un bon exemple. Ils ont instauré une constitution avec droit de la nature, machin, etc. Donc, très progressif. Par contre, bah, on exploite le pétrole quand même. Donc, en gros, c'est un peu la vision des syndicats tout à l'heure. On peut dire, c'est en gros, on exploite la nature, mais c'est pour notre population, quoi. Mais on est quand même dans un schéma qui est extractiviste. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'on remarque même quand certains gouvernements deviennent autonomes, comme la Bolivie s'est retirée du tribunal de la Banque mondiale, par exemple, ou des choses comme ça, pour avoir plus d'autonomie. Mais ils restent quand même dans cette situation de d'extraction de matières premières, quoi. Et ça, c'est quelque chose, c'est difficile. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Nous, on a été assez déçus. Sur tout ça, parce qu'on soutenait beaucoup un peu tout ce qui se passait en Équateur, Bolivie et Venezuela, et on remarque qu'ils reproduisent en fait un modèle qui enrichit une certaine élite. Donc ça, encore une fois, je pense que ce qu'il faut encourager, c'est plus les luttes locales des gens en Bolivie. Il y a beaucoup de luttes contre cette extraction, beaucoup de tribus indigènes qui soutenaient ça. Mais ça aussi, la dette écologique peut servir. Par exemple, en Équateur, il y avait le programme Yasuni. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler. C'était le président coréen qui a dit, Yasuni, c'est une réserve nature, enfin une portion de la jungle qui était, naturelle, oui, on va dire, enfin qui était non exploitée. Il y avait des grandes réserves de pétrole en dessous. Et l'Équateur a dit, ben moi, je m'engage à ne pas exploiter ça, à le laisser sous terre, mais par contre, je veux des compensations financières. Donc, je ne sais plus c'était combien, par exemple, je crois que ça lui aurait rapporté 8 milliards. J'ai toujours du mal à retenir les chiffres, donc vous pourrez vous renseigner, mais on va dire simplement, je veux 4 milliards de la communauté internationale. Ils ont eu 300 millions, je crois. Voilà, l'ONU s'est engagée à le faire, personne ne l'a fait. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben maintenant, le gouvernement est en train d'exploiter le pétrole. Alors en plus, il y a des gros conflits avec les tribus indigènes, etc. Mais ça, c'est quelque chose que la dette écologique pourrait justifier, en tout cas, en disant, ben voilà, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler, même vous dans votre milieu. Donc nous, on a suivi parce qu'on suivait beaucoup les travaux de l'Équateur par rapport à la dette. Mais ça, c'est le genre d'initiative vers lequel il faut aller, c'est dire, voilà, on donne des compensations pour ne pas exploiter ceux qui restent. Et l'Équateur était prêt à le faire. Malheureusement, il n'a pas suivi. Donc ça aussi, en disant, si l'ONU reconnaissait un peu une dette écologique, bah du coup, on pourrait créer un fonds, par exemple, alimenté par les pays riches, etc. Donc certains pays le font, hein. La Norvège, par exemple, ils ont annulé clairement la dette de certains pays pauvres parce qu'il y a eu des mouvements de mobilisation de la société norvégienne en disant, bah, annulez, vous avez une dette, l'Équateur a une dette envers vous, on la supprime. Donc c'est des choses... Mais encore une fois, les luttes, mobilisation, enfin toujours... mais face au rouleau compresseur. Tu parlais tout à l'heure d'arrêter l'extractivisme, mais c'est quand même un des principes même, enfin, quand tu prends le cycle de la planète, c'est manger ou être mangé, enfin, que tu prennes un animal, une plante, ça fait partie d'un cycle de la vie. Bon, l'homme est au-dessus de la chaîne alimentaire et donc prend des ressources autre qui est là, mais ça veut dire aussi qu'au-delà de la responsabilisation, il y a aussi une qualité de vie qu'il faut accepter de perdre. Ben, un mode de vie différent, en tout cas, à avoir. Parce que sinon, à un moment donné, tu peux donner des compensations à l'extractivisme, mais tu ne t'en sortiras plus. Enfin, il me semble, quoi. J'ai entendu l'autre fois une phrase de Pierre Rabhi que j'aimais bien. Il disait, quand vous regardez un documentaire sur les lions, ben, une fois qu'il a bouffé une gazelle, après, les autres gazelles peuvent passer près de lui, il n'en bouffe plus. Parce que... Tandis que, j'ai entendu ça, mais ça m'a fait rire. Et, du coup, une entreprise qui exploiterait de la gazelle, bah, tant qu'il y en a, on va l'exploiter. Le problème, c'est la logique. C'est vrai que j'ai pas encore dit ce gros mot-là, mais c'est le profit, clairement, et le capitalisme. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, perdre une certaine niveau de notre confort, oui et non. Dans le sens que je suis pas sûr qu'on perdrait vraiment. Ça dépend, c'est quoi le confort? Encore une fois, enfin, tout avoir chacun sa voiture et être, je sais pas combien de temps dans des embouteillages ou quoi. Est-ce que c'est vraiment du confort? Quand on a un ordinateur ou un smartphone qui casse après 6 mois, est-ce que c'est vraiment du confort? Quand on est tous, enfin, vous voyez ça. Donc moi je pense pas. Je pense que la sobriété, c'est clair. Il faut lire. Il y a aussi un auteur très intéressant qui s'appelle Philippe Biwix. Je sais pas si vous connaissez. Il a écrit un livre qui s'appelle L'âge des low tech. En antagonisme à high-tech, et donc il dit maintenant il faut arrêter un peu. Vous allez dans une, il dit, prend cet exemple là, vous allez dans une salle de poste, vous avez un écran, parce que lui en fait c'est un ingénieur qui Il s'intéresse beaucoup à la raréfaction des métaux. Et il dit, voilà, toute l'économie high-tech qu'on nous promet, c'est impossible. Tous les pics de production des métaux, c'est dans 20, 30 ans, grand, grand maximum. Et donc, il dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on doit faire un écran comme ça? Pourquoi est-ce que... Enfin, toute une série d'objets qui n'aident pas notre confort, tous les écrans publicitaires partout. Donc, un peu de sobriété, l'éclairage public sur les autoroutes, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est tout des trucs comme ça, mais ça ne diminuerait pas notre confort. Donc c'est juste, et ça je pense que la plupart, c'est ça qui est un peu compliqué dans notre système, c'est que la plupart des gens ont intérêt à ça. Je pense qu'il y a aussi un mal-être au travail. J'entendais un peu tout à l'heure aussi aux infos, on parle des burn-out et maintenant on parle des bore-out, les gens qui s'emmerdent au leur boulot, enfin il y en a plein, et des gens qui n'ont pas de sens, et c'est clair. Enfin, il y a aussi David Graeber, c'est un économiste américain qui a l'initiative d'Occupy Wall Street et qui parle en anglais des bullshit jobs, des jobs qui ne servent à rien. Et là maintenant on est dans une économie en fait où on crée des boulots qui ne servent à rien, c'est-à-dire des boulots, je sais pas moi, vous avez quelqu'un qui contrôle quelqu'un et quelqu'un qui le contrôle, voilà, quels sont les boulots qui sont vraiment, alors, et comment est-ce qu'on veut après que les gens trouvent un sens à leur vie quand ils vivent des boulots, enfin donc c'est pour ça, à un moment donné il faut juste se reposer un peu la question, mais c'est aussi des contradictions. Je vais faire un peu ma pub parce que je viens de réécrire un livre sur l'effondrement en fait de la civilisation. Enfin, c'est un concept aussi moi qui m'intéresse et que je critique pas mal. Mais il y a quand on explique ça, il y a la théorie des rendements décroissants. C'est-à-dire, on dit que toute société, plus elle se complexifie, plus elle va gaspiller de l'énergie en fait. Pourquoi ? Parce que plus elle se complexifie, plus elle a besoin d'énergie rien que pour faire fonctionner son système. Et donc, c'est de l'énergie qui est gaspillée au final, et à un moment donné, ça coince. Pour comprendre ça, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, petit à petit, c'est agrandi. Et puis, à un moment donné, c'était tellement grand que toutes les nouvelles conquêtes, elles ne servaient simplement qu'à faire fonctionner son empire déjà existant. Et donc, à un moment donné, les conquêtes ne suffisent plus. Et puis, c'est un peu en train ce qui est en train de se passer maintenant. Ah non, quand on parle d'effondrement, l'Empire romain, il a mis 300 ans pour s'effondrer. Donc, je pense que on va pas s'effondrer comme ça, mais l'effondrement, c'est un processus, et je pense qu'on est dedans, c'est des contradictions maintenant, et d'où l'intérêt, je pense, d'y réfléchir. C'est au moins, si on voit que les choses ne changent pas, mais c'est au moins augmenter un peu notre capacité de résilience, c'est-à-dire, au moins essayer de relocaliser un peu notre production, nos loisirs aussi, parce que même nous, je pense qu'on est tous, et même moi, je vais partir en Chine dans 3 semaines, on ne suis pas fier, mais j'ai envie, donc, vous voyez, donc c'est des trucs comme ça, mais, donc, j'essaye de pas le faire tous les ans, mais j'aime bien prendre, donc normalement, on devrait moins prendre l'avion, donc, il faut être prêt à l'accepter, y penser, mais encore une fois, pas se culpabiliser non plus, je pense qu'il faut aussi, parce que c'est contre-productif, faut aussi être, oui, être prêt à accepter des sacrifices, ça je pense qu'il faut, mais je pense que beaucoup de gens sont prêts à le faire si on leur explique, si on leur impose pas, si on explique les responsabilités, ça viendra spontanément, je pense. Maintenant, c'est un peu... Oui ? Imaginez ici, on a tous des revenus différents. Qui ici laisserait une partie de ses revenus pour que le plus petit salaire ici puisse avoir un salaire décent ? Moi, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire alors que des gens... Enfin, pourquoi est-ce que... Comment dire ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais le faire et pas l'État ? Je m'exprime mal. Comment est-ce que je pourrais Voilà, oui, c'est ça. Bon, je veux dire, c'est un peu comme le débat sur les migrants maintenant. On dit souvent, c'est pas normal. J'entends beaucoup qu'il n'est pas ça. Mais pourquoi est-ce que... C'est pas normal que quoi ? C'est vrai que j'oublie qu'il y a une radio. Pourquoi est-ce que on devrait se priver pour eux ? Mais il y a assez d'argent pour tout le monde, il y a assez d'argent pour eux. Donc pourquoi est-ce que on devrait prendre à vous pour donner à... Allez, il y a assez d'argent pour tout le monde, il y a assez d'argent pour qu'on vive beaucoup plus. Donc c'est ça à un moment donné qu'il faut se comprendre, c'est se poser un peu des questions. Alors oui, ça nécessite de prendre, notamment par l'imposition, mais encore une fois, c'est toujours... Je pense pas on a assez de richesses pour tout le monde. Tous ces raisonnements, ils seraient bons si on n'avait pas assez de ressources. Mais là, le gros problème, c'est qu'il y a trop de, il y a de l'argent. Je veux dire, si on fait, Oxfam vient encore de sortir son rapport, les 62 personnes ont plus d'argent que les 3 milliards et demi d'autres, quoi. Donc l'argent, il y en a. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on devrait demander à toi de te sacrifier pour. Mais c'est pour ça que je pense que je pense que c'est vraiment la trame qui doit guider un peu toutes les luttes, toutes vos mobilisations. C'est comme ça, moi, que j'ai réagi personnellement. Quand j'entends un truc, c'est qu'on joue. Voilà. Est-ce que ça, c'est avoir un idéal de société. Un idéal de société, c'est pas un modèle. Je pense qu'il faut aussi, casser un peu ces modèles préconçus, capitalisme, communisme, etc. Enfin, moi, perso. Mais en tout cas, dire, on veut un monde plus égalitaire. Donc, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, je le combats. Alors je le combats à ma façon. Je veux dire, moi j'aime bien écrire, bah j'essaie d'écrire, ou alors c'est faire des manifs, faire des trucs. Mais et voilà, essayer d'avancer petit à petit comme ça, c'est lent, mais ça permet au moins d'y retrouver son compte aussi, quoi. Parce que c'est le problème, c'est qu'on est tellement dépassé qu'on peut vite être désabusé en disant, bah de toute façon, je te dis, j'ai eu ça pendant 6-7 mois. Puis moi non, bah autant s'amuser pendant qu'il est encore temps, et c'est ce que j'ai fait. Mais à un moment donné, il va dire, voilà, c'est aussi se dire, même si c'est déjà perdu, bah moi ça m'énerverait dans 150 ans qu'on dise ils ont rien fait. Enfin voilà, c'est un peu plus ça, quoi. Mais donc moi ça serait plus, mais c'est pas évident. Mais je pense que moi, si vraiment les gens sont conscientisés dès le départ, je pense qu'il y a moyen. Enfin moi j'ai quand même confiance en l'être humain, quoi. Tant qu'il, le problème c'est qu'il faut, c'est un peu comme les pays du Sud, c'est leur laisser aux gens la possibilité d'avoir comment, enfin de réfléchir, quoi. Donc moins de temps de travail, moins de, une fois que si quelqu'un, je sais pas, travaille, enfin arrive à avoir un revenu en travaillant, je sais pas, 20-22 heures par semaine, c'est tout à fait imaginable, hein. Eh ben ça fait du temps pour lui, ça fait du temps peut-être pour lire, pour, et voilà, et les choses comme ça. Le problème maintenant, c'est que ça va tellement vite, et même moi j'avoue, tout ce que je peux faire là, c'est parce que je suis prof, et je suis beaucoup de profs, ils se plaignent, mais moi je me plains pas, et je reconnais que ça, on a une qualité de vie. Je suis tous les jours rentré à 4h15, j'ai des 2 mois de vacances. Mais si jamais je travaillais dans une grosse boîte comme beaucoup de mes amis au Luxembourg ou quoi, et que j'aime taper les embouteillages, j'aurais pas le temps de lire, j'aurais pas envie de lire, j'aurais pas envie d'écrire, j'aurais pas envie de prendre le train pour la Namur faire une conférence. Donc c'est ça aussi le truc, hein. Donc c'est essayer toujours de relativiser, quoi, au lieu de culpabiliser les gens. Vraiment c'est ça que je pense qui sert à rien. Donc essayer d'aller, et puis admettre, être modeste aussi, admettre que bah voilà, ça change pas, mais ici on est 15, pas beaucoup, mais c'est que on passe du bon, enfin moi je passe du bon temps quand même, moi je me plais bien, donc voilà, maintenant je suis pas sûr que on va changer les choses, mais ouais, mais en même temps, mais c'est vraiment important, je pense, parce que c'est, moi j'ai été dans une optique comme ça où on allait les primer beaucoup parce qu'on faisait des conférences, on était 10, on était là, ça sert à rien, et puis à un moment donné on se dit mais si on en attend trop, après on est déçu, puis voilà, après on a de l'énergie, de la pêche pendant 2 ans, puis après ben donc non, il faut essayer d'y trouver son compte, de faire ce qu'on aime bien. Si vous aimez bien faire un potager, ben faites un potager. Voilà, essayez toujours d'aller dans le même sens, en fait, de ne pas perdre de vue son idéal, et puis après ben s'y retrouver aussi, il faut tout, et si ben voilà, quoi. Je pense que c'est un peu philosophique comme ça, hein, mais c'est un peu fin de journée. Je vous préviens, maintenant j'ai raté mon train. Donc, parler de philosophie. J'attends pas une demi-heure à la gare, donc on parle encore au moins 20 minutes. Parler justement de philosophie, est-ce que ce serait pas important de donner, à donner du sens à la vie quelque part? On dit que l'être humain c'est un être de conscience, mais qui en est bien conscient d'avoir une conscience quelque part? On vit aussi, on est dans un système religieux quelque part qui dit que l'être humain a une âme. Qui est-ce qui pense à son âme dans ses activités de tous les jours? Je pense qu'il y a vraiment des réflexions à amener, surtout au niveau de l'enseignement, d'éducation quelque part. Je crois qu'il y a un gros travail à faire et agir sur l'individu plutôt que sur la société, quoi. Mais enfin, il y a, les deux sont nécessaires, mais les deux, voilà. Voilà, oui. Parce qu'encore une fois, il faut, oui, mais le problème du sens, je sais pas, vous avez 2 enfants, vous avez un loyer à payer, bah le sens il est vite fait. Le sens c'est de vous voyez ce que je veux dire, c'est de travailler, même si c'est un, enfin je veux dire, moi je connais plein de gens qui aiment pas leur boulot, mais voilà, ils sont dans une logique comme ça, bah ils ont acheté une maison, ils ont un prêt, ils ont 2 mômes, bah voilà, j'aime pas. Et c'est vrai que moi j'ai un ami qui est comme ça, qui vient d'acheter une maison et tout. Il aime pas son boulot. Il a 27 ans, mais il dit, bah voilà, maintenant, je sais que je suis parti pour 20-25 ans, je vais faire ça. Et après, c'est difficile, je sais, mais enfin, je sais, c'est une question de choix de vie, c'est une question de conditionnement, c'est, mais je pense que c'est pour ça, moi, c'est, la priorité, ça devrait être de laisser plus d'autonomie aux gens. Et autonomie à la fois financière et sociale. Donc c'est pour ça, moi, que j'insiste beaucoup, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est redistribution des richesses et réduction du temps de travail. Parce que pour moi, c'est la base. Si jamais, j'aime bien, enfin, c'est pas que j'aime bien, je sais pas, je suis encore un peu partagé, l'idée de revenu universel. Bon, il y a l'idée, maintenant, j'ai un peu du mal des fois parce qu'il y a certains libéraux qui disent revenu universel et comme ça, il n'y a plus de sécurité sociale ni rien, tout le monde se démerde. Bon, je suis quand même prudent, mais il y a une idée un peu, par contre, il y a un livre qui s'appelle Un projet de décroissance de Vincent Liéget, je crois, quelque chose comme ça, qui lui, il dit c'est un revenu universel, mais qui est en partie démonétisé. C'est-à-dire, en gros, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez droit à autant de mètres cubes d'eau par mois. Vous avez droit à autant de, l'électricité, ça se calcule en kilowatts par mois. Vous avez droit, enfin, etc. Et puis, vous avez une partie aussi en salaire. Et bien voilà. Et puis, bah, si vous voulez gagner plus, rien ne vous empêche, hein, vous pouvez travailler autant. Maintenant, ce qu'il faut aussi, Sidi, et moi j'en suis convaincu, c'est qu'il faut aussi une taxe confiscatoire. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas gagner plus d'un certain montant pour moi. Je sais pas, moi je pense que 15 000 euros par mois, personne ne peut gagner plus que ça. Parce que tout le monde il y a 24 heures dans un jour, et ça, mais ça, vous dites ça aux gens, ça ne marche pas. Hein. Et ça, c'est aussi une rééducation un peu, parce que moi même, j'en parle des fois avec des collègues ou quoi, personne ne trouve ça. Je dis, mais t'es fou. Mais je dis, mais qui peut travailler même 15 000 euros par mois? Les gens ne se rendent pas compte. 15 000 euros par mois, ce que c'est, mais enfin, je veux dire, moi, je mets 10 mois pour gagner ça. Et même si quelqu'un travaille, mettons qu'il dort 4 heures par nuit, ce qui est déjà peu, ça veut dire qu'il travaille 20 heures, voilà, mais c'est 20 heures, 15 000 euros, ça fait déjà bien. Donc, et personne ne peut travailler plus que ça. Donc, à un moment donné, il faut vraiment commencer à prendre, voilà, un revenu minimum, mais un revenu maximum aussi. Et ça, ça ferait de l'argent pour alimenter, enfin, faire une transition, des choses comme ça. Mais évidemment, c'est un rapport de force, hein, parce que les gens ne vont pas accepter. Donc, rapport de force, encore une fois, ça passe par mobilisation, grève, enfin, toute une série de choses. Mais les revendications concrètes, quoi. Je trouve que les syndicats devraient amener vraiment des trucs choc comme ça. À ce niveau-là, il y a un ministre ici récemment qui a dit, allez, pour les pensionnés qui ont travaillé 20 ans, pourraient avoir le minimum garanti. Et j'ai été un petit peu choquée en voyant que les syndicats se sont un petit peu insurgés en disant, ils ne nous ont pas concertés. Mais je me dis, mais mon Dieu, pour une fois qu'un ministre lance un truc pareil, les syndicats qui normalement devraient défendre ça, viennent, pourquoi ne nous ont-ils pas concernés? Donc, concertés. Je ne comprends pas. Problème, mais là, on est encore parti dans un autre débat aussi, mais c'est que, voilà, en Belgique, on est aussi dans un système de concertation sociale qui est un peu assez unique, quoi. Enfin, je pense, voilà, on doit tous se mettre d'accord, mais ça, par contre, je pense que les syndicats ont un autre rôle à avoir. Pour moi, les syndicats doivent avoir un rôle de confrontation en disant, on ne négocie pas. Enfin, ça, c'est un peu mon point de vue, hein, donc, mais, on pourra peut-être en reparler après, mais on ne négocie pas avec le patronat, point. Ça, on impose des choses par le nombre, par le rapport de force. Voilà, ça c'est encore peut-être un autre point de vue, mais